Est-ce que vous connaissez, je vous interroge d'abord, est-ce que je peux parler par ma voix? Non, en fait, c'est la circulation. D'accord. Alors, bonjour mes amis, c'est avec joie émouvante que je vous parle. Je suis très ému de nature. Donc vous allez confronter peut-être des larmes. J'espère que non, j'essaye de les éviter. Bon, allez, est-ce que vous connaissez les diplômes de Paul Valéry? Les tests. Alors, c'est un test qui fait partie du bilan de l'intelligence. Dans le mot bilan, il y a évidemment, et c'est là le grave, un doute. Quand on fait le bilan de quelque chose, c'est que quelque chose ne va pas. Bon, et de la part de Paul Valéry, académicien, philosophe, poète et autres, son intervention sur ce domaine est particulièrement importante. Alors, j'ai voulu un test, c'est important, 1935, c'est-à-dire d'avant la guerre, qui fait partie du bilan de l'intelligence, qui fait partie de la Pléiade, l'édition de la Pléiade. Alors, j'ai sur vol la première partie et je vais à la fin. Hein. Alors, le but de l'enseignement n'étant plus la formation de l'esprit, mais l'acquisition du diplôme, c'est le minimum accessible qui devient l'objet des études. Il ne s'agit plus d'apprendre le latin ou le grec ou la géométrie, il s'agit d'emprunter et non plus d'acquérir, d'emprunter ce qu'il faut pour passer le baccalauréat. On s'est fait avoir. Voilà, le reste de côté. Que des questions, des réponses pour le bac. Quand on passe le bac, on apprend ce qu'il faut par cœur. Et voilà. Alors, conclusion. Ce n'est pas tout. Le diplôme donne à la société un fantôme de garantie et aux diplômés des fantômes de droits. Le diplôme passe officiellement pour savoir. Il garde toute sa vie ses brevets d'une science momentanée et purement expédiente. C'est l'expédiente de satisfaire les besoins de la société d'avoir des titres. Vous êtes qualifié, donc vous pouvez avancer dans la vie. Bon, et vous le savez combien c'est autre chose avancer dans la vie. Alors, d'autre part, ce diplôme, au nom de la loi, est porté à croire qu'on lui doit quelque chose. Jamais convention fut plus néfaste à tout le monde, à l'État et aux individus, et en particulier à la culture, n'a été instituée. C'est en considération du diplôme, par exemple, que l'on a vu se substituer à la lecture des auteurs l'usage des résumés, des manuels, des comprimés, des sciences extravagantes, des recueils de questions et des réponses toutes faites, extraits et autrement abominations. Et il en résulte que plus rien dans cette culture altérée ne peut aider ni convertir à la vie d'un esprit qui se développe. Soyons tristes. Cela aurait pu être évité si avait été pris en compte. C'est un message quand même important. Bon, alors là, je dépose ma note. Je vais exposer mon programme de questions d'abord, juste en présentation. Alors d'abord, le rôle fondamental de l'éducation dans la crise, me semble, il n'est même pas à discuter. La priorité que l'éducation a dans la solution du problème, et pas que celui de la crise éducative, mais de la crise économique, de la crise philosophique, de la crise sociale, de la pauvreté, etc. C'est l'éducation qui domine. Bon, allora, les termes, excusez-moi si j'ai fait une petite pause, prof, c'est l'horaire des horaires, les journées, les utilise quotidiennement, du matin au soir. Si je l'appelle Jurne, je crois qu'il ne serait pas content. Alors, les profs, rebellez-vous, ne soyez pas des profs, mais des professeurs. Je suis passé par l'enseignement et je n'accepte pas les profs. Je n'accepte pas la désignation des profs. Je ne suis pas prof en raison de mes titres qui ne me l'autorisent pas et aussi parce que je préfère enseignant. Les profs, professent. Alors, autant être religieux pour professer qu'être prof. Enseignant, il enseigne, il se limite à indiquer, c'est tout, il ne va pas plus loin. Bon, Alors, cela dit, le rabassement de la fonction. C'est un rabassement de la fonction. Et d'abord, on vous enlève l'estrade et après, on vous laisse cracher à la figure par des gens innocents qui n'ont aucune faute parce qu'on les a élevés, nous, les anciens, de cette façon-là. C'est l'horreur que nous avons fait, nous avons volé. Bon, alors, la révolution, subversion, destruction. La différence entre la révolution, c'est un mouvement naturel, tout à fait légitime et même inévitable. Essayez d'éviter la révolution de la Terre autour du Soleil, hein, et vous voyez la catastrophe. La subversion, c'est bien autre chose. Et attention, parce qu'on arrive après à la destruction. Alors, l'instruction publique ou éducation populaire, c'est une distinction qu'il faudrait approfondir. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui j'ai le temps ici, mais les résultats, c'est que l'éducation pour tous, obligatoire jusqu'à la fin du collège, est une escroquerie. C'est comme la soupe populaire. Si la soupe populaire ne donne pas de bonnes choses à manger au peuple, hein, mais des pains rancis, hein, avec du bouillon de mauvaise qualité. Puisque c'est la soupe populaire, autrement ce n'est plus une soupe populaire, c'est une invitation à table qui on réserve à d'autres catégories. Bon, alors, puisque c'est pour tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? On baisse le niveau. Parce que les parents le demandent. C'est trop difficile. Hein? On baisse le niveau pédagogique. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il s'ennuie, il faut qu'il soit ludique. Ludique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il soit néant. Hein? On veut tricher avec les enfants, déjà, à la maternelle, et même au primaire, et même après, jusqu'au bout. Hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse apprendre par les ludiques? Ils ne sont pas naïfs, ils ne sont pas aussi bêtes. Hein? Léger est bon s'il ne dure pas longtemps. Hein? Et alors on passe la journée à faire semblant d'apprendre, comme ils font semblant d'enseigner. Et les pauvres, ils n'ont pas de quoi enseigner. Ils n'ont plus le métier. Hein? La situation est telle que je la compare à des sables mouvantes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? On va courir pour se sauver, la fuite en avant. Hein? On va se mettre à terre pour n'être pas absorbé par les sables mouvantes. Bon, alors continuons. L'éducation ludique, on en a parlé. Destruction sournoise du contenu substantiel de l'enseignement. L'enseignement, ça s'est fait comme dans la vie, toutes choses, et comme l'homme l'a fait depuis la naissance, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, et même avant, puisque la date de la naissance dell'homme, chaque fois qu'on fait une découverte, c'est repoussé plus loin, et probablement on n'y arrivera jamais, mais ça sera une très bonne recherche. Et l'effort, ça on ne peut pas apprendre. Sans l'effort, il n'y a pas moyen d'apprendre, il n'y a pas moyen d'apprendre un métier, il n'y a pas moyen d'apprendre à marcher. Il n'y a rien sans l'effort. Mais l'effort, si elle est bien enseignée, peut être le plaisir d'apprendre. Et sans plaisir, on ne peut pas apprendre. Sans curiosité, on ne peut pas apprendre. À l'école, on s'ennuie à tout âge. Et même à la fac, on s'ennuie. Hein? Parce que si vous n'avez pas la capacité d'attirer l'attention sur vous, et d'avoir votre rôle de celui qui transmet le savoir supérieur, hein, à quelqu'un qui cherche à apprendre ce savoir, s'il n'y a pas cette volonté, cette adhésion, ce n'est pas la peine. Hein. Vous apprendrez beaucoup plus dans la rue, beaucoup plus ici sur la place, beaucoup plus hors de l'école. Vous voulez intervenir? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah d'accord, c'est bien, je croyais que c'était ainsi font les petites marionnettes. Bon, voilà, alors continuons parce que cette aberration est généralisée et je vous assure que les études à l'université sont aussi beaucoup garnies par l'accompagnement, c'est-à-dire une perte de temps globale. Et je me permets là de ne pas suivre parce que ça me porte ailleurs, c'est... Critiquez-moi quand il le faut, et arrêtez-moi, mais le simple fait qu'en primaire, l'école a été jusqu'à il y a quelques années encore acceptable, hein, et qu'au collège, devient destructrice du travail qu'ils ont fait, les maîtres et les maîtresses. C'est un bon travail, puisqu'on prétend aux collégiens d'être dans la situation des universitaires, changer de salle pour aller dans la salle du grand professeur qui a sa salle à lui, et les autres se déplacent. Hein? Et les collégiens qui, avec des cartables, ils sont obligés d'aller changer de place. Hein? Je voudrais savoir qui des fonctionnaires qui travaillent à leur table a cédé tous les heures de changer de place. Qui? Et on les fait faire aux élèves des collèges. Hein? Et dans un collège, un conseil de classe, se trouvait confronté à des élèves représentants, des élèves de quatrième. Représentants qui sont terminés à la fin, quand on lui a demandé la question, qu'est-ce que vous avez quelque chose à dire, ils ont dit, est-ce qu'on pourrait avoir une salle permanente plutôt que se déplacer? Tous les enseignants, hein, et les directeurs du collège, tous, ce n'est pas possible. Oubliez ça, ils ont même ri, hein, tout au moins souri. Voilà, pour faire un exemple concret. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de là? D'abord, il faut critiquer l'objectif. Quel est l'objectif, répondez-moi, de l'école? Allez, allons-y. Allez, courage, n'ayez pas peur. Transmettre les savoirs, on dit. Et on répète, transmettre les savoirs. Qui es-tu? Tu te présentes? Vous avez posé une question, j'aimerais répondre. D'accord, alors, est-ce que tu peux attendre que j'ai terminé? Bien sûr, mais très bien, tu veux prendre des notes? Non, j'ai posé à lui. Mais j'ai posé aussi à tous. Oui, allora, la trasmissione di savoir. La trasmissione di savoir, c'est une imposture. Puisque le savoir, s'il n'est pas précisé, et s'il n'est pas accompagné du mot, du verbe, faire, ça sert à rien. Le savoir sans le faire, ça sert à rien. On doit nous enseigner. Et c'est permanent, c'est pas seulement à l'école, c'est toujours dans la vie des hommes, dans la société. On doit nous apprendre à faire, et c'est réciproque. Sans savoir-faire, le savoir est mort. Voilà, c'est savoir-faire, ça passe obligatoirement par l'effort. L'action est toujours effort. Hein? Et donc, il faut revoir cet objectif. La révolution de l'enseignement, attendez, parce que j'ai parlé devant moi, et le temps qui coule, hein? Ça passe pour un changement de point de vue complet. On a des moyens aujourd'hui extraordinaires, hein? Des moyens de recherche, des moyens technologiques, hein? Mais ne parlons pas des moyens économiques, ne parlons pas, hein, des moyens tels que Internet, l'informatique, qui est un moyen formidable, mais comme tout instrument, dépend de qui, de l'usage qu'on en fait. Et quand l'ouvrier se plaigne que son outil n'est pas bon, je dirais plutôt qu'il ferait bien l'autocritique et voir s'il va en fait un mauvais usage. Un couteau, c'est un outil horrible, terrible, magnifique, formidable. Allora, si l'internet doit être un inter, quelque chose qui se pose entre moi et l'interlocuteur, et qu'on peut rentrer dans les classes pour rendre compte, l'ordinateur pour remplacer l'enseignant, c'est-à-dire destruction des relations des humains, des hommes, de la société, et par la destruction du lien, vous préparez l'avenir du capitalisme. Ok? D'accord? On réduit ceux qui ont la liberté de se rencontrer et ceux qui ne l'ont pas s'ils ne restent pas bêtes. S'ils sont intelligents, qu'ils arrivent à avoir un esprit, etc., attention, c'est des révolutionnaires. Attention, c'est la pauvreté. Alors, les moyens, il faut reporter les travaux manuels. Il suffit de revoir l'histoire, de comprendre l'histoire de l'être humain, de la société. L'homme est sorti de la situation des sauvages, c'est un mot très mal utilisé parce que les sauvages en savent beaucoup plus que nous. S'ils veulent survivre, ils ont une culture qu'on n'imagine pas, on n'a pas idée. Hein? Mais c'est par les mains que c'est sauvé, par l'usage des mains, par l'usage des mains. Les mains, c'est les contacts, après les yeux, après l'ouïe, c'est l'essence. Et l'essence, c'est du concret, c'est pas de l'abstraction, c'est pas de l'intellectualisme. Hein? Ce n'est pas tout ce qu'on nous apprend éloigné de la vérité, du concret, hein? Tapez-vous la tête dans les murs pour comprendre la différence entre une idée bonne et une idée mauvaise. Bon, alors, corporel, manuel, pratique, ce sont des axes qu'il faut, sin dalla maternelle, hein, plutôt que faire sauter dans les comptines, hein, plutôt que giro tondo, excusez-moi, des fois me manquent les paroles, même pas ces comptines qui déjà vis-à-vis d'une récré, autodiscipliné, l'idée roussonienne, si nous ne sommes pas critiques à fond, d'abord avec nous-mêmes, et après avec les autres, et même avec nos génies, avec les gens que nous adorons. Si nous ne sommes pas critiques, si nous n'avons pas l'esprit critique, nous n'en sortirons pas. Hein? Alors, je reviens à mon début. Donc, à part la pratique qu'il faut faire du départ de l'enseignement, et je parle aussi, si on veut approfondir, che il materiale sia aussi il corporel, e il corporel si passa aussi par la postura. Alla maternelle, si insegna a parler, a prononcer correctement, ils arriveraient un degré supérieur dalla facilitazione. Si savaient utiliser leurs mains, si savaient déjà dessiner, si savaient déjà compter, ce serait magnifique. Ma che au collège, on les embête avec des factoriels, avec les inconnus, avec les EX, etc., du collège. En mathématiques, la note courante est supérieure à 5. Hein? Et s'il récupère la moyenne, c'est parce qu'on note le dessin, c'est-à-dire on détruit le dessin, qui doit être une expression libre. La musique, expression libre. L'Emmanuel même, expression libre. Qu'est-ce qu'il faut tout noter? Et ça, qui est-ce qui fait ça? Qui est-ce qui fait ça? Répondez-moi! Il faut que je trouve le courage de vous le dire. Ce sont les syndicats. Excusez-moi si j'attaque vos copains. Hein? Nos camarades. Excusez-moi. Qui est-ce qui a donné voie libre aux vacances? Qui a cassé les rythmes? Qui est-ce qui a inventé les vacances d'hiver? Les vacances des vacques? Hein? Qui est-ce qui a développé certaines politiques économiques sur lesquelles on ne peut pas revenir? Allez fermer les stations d'hiver. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est des faits. Et ça sera fait. Hein? Et peut-être que je vais me faire fusiller si je continue. Hein? Donc, le matériel, le corporel, apprendre à bouger, apprendre à se toucher, apprendre à se rencontrer, s'il vous plaît. Bon, et après on passe à l'enseignement intellectuel. L'enseignement intellectuel passe, comme la maternelle d'abord, par les langages. Comme vous voulez leur enseigner les parcours de l'eau, les cycles de l'eau au collège. Dans 5 disciplines, les pauvres doivent sucer ça, hein, les cycles de l'eau, parce que c'est interdisciplinaire, ça, hein, etc. Au lieu de leur apprendre des poèmes épiques, la chanson de Roland, des choses concrètes, tout ça c'est du passé, c'est obsolète. Les rythmes, c'est obsolète. Les horaires, obsolète. Hein? Il faut faire autre chose, di moderno, di nuovo. Ça c'est formidable, c'est nouveau, c'est bon. Hein? Sur les étiquettes alimentaires, vous trouvez même nouveau et sous recette traditionnelle. Clairement affiché. Voilà, le langage n'a plus de sens. Perte de sens. Le langage et la pensée, c'est une seule chose. Ce ne sont pas des choses. Hein? On parle parce qu'on pense et on pense parce qu'on parle. Et tout le reste vient avec. Tout, et ça s'est fait tous les jours, et ça change tous les jours, et ça évolue. Il ne faut pas avoir peur de l'évolution, mais l'évolution dans une mauvaise direction, ça ne sert à rien, au contraire, elle est néfaste. Et à l'école, l'effet de la compétition, la société et l'école marchent ensemble, dans la destruction de l'individu. En classe, j'ai connu une enseignante qui enseignait très bien l'anglais, mais elle venait en classe avec un sachet, et je vous jure, c'est la vérité, des bonbons. Et suivant les mots qui arrivaient, les bonbons. Pour les réflexes conditionnés. Voilà. C'est ça l'enseignement aujourd'hui. C'était pas ça, peut-être, à l'âge de mon grand-père. C'est mis en place doucement cette corruption de l'enseignement. Parce que par l'enseignement, on arrive à la révolution. Les gens qui ont fait la révolution, ce sont des gens qui avaient une culture. Les lumières, c'était les travaux de certaines personnes, les travaux de certains enseignants, les travaux de certains philosophes. Mais ces lumières, on les a éteintes. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se font en cachette. Il ne faut pas qu'elles soient faites à la lumière. Parce qu'on n'a pas le courage de reprendre les choses à la source. Pourquoi on a pu reprendre la source la Renaissance? La Renaissance, a différenza dei 10 siècles. Ma la Renaissance è repartita alla source. E non seulement la Renaissance è repartita alla source. Chaque fois che il y a disastro, on revient en arrière. Il faut avoir le courage de reconnaître ses erreurs. Ma se on ne les admet pas, on ne pourra pas avancer. E l'erreur, la mauvaise usage qu'on fait de l'erreur. S'il vous plaît. L'erreur est fondamentale dans la pensée. Et plus que dans la pensée, est folle dans la société, est fondamentale dans la liberté. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de liberté d'erreur. Réfléchissez, s'il vous plaît. Ne soyez là à prendre la béquée comme des poulets dans la cour. Et encore, avec les traitements qu'on les fait, on les met en cage. Hein, les criminels. Sans dire ce qu'ils font, les enquêtes qu'ils font en maternelle. Pour prévoir le plus tôt possible les futurs délinquants, les capables et les pas capables, l'école de l'excellence. Et on se gargarise avec l'école de l'excellence. Oui, on a l'école de l'excellence. Donc, on sélectionne les maths, formidable pour sélectionner. Hein? Allez prendre le livre des philosophies sérieuses aujourd'hui et essayez de les lire. Hein? Je les ai dans mon sac. Je ne peux pas les lire, je ne suis pas capable de les lire. Parce qu'entre la série P. P-I, P-X, P-N, etc. Les D-O, les leaders, une certaine édition de Séoul, il n'a même pas eu la courtoisie de mettre un glossaire, c'est-à-dire l'accès possible au test, les termes, la simplicité même. Et on a détruit l'enseignement de l'histoire. Mais qu'est-ce que c'est l'histoire en dehors du temps? On la coupe de la chronologie. Oui, non, mais il ne faut pas prendre les dates par cœur. Mais qui demande d'apprendre par cœur les dates? On apprend ce qui s'est passé, les faits, pas les dates. Après la date, il faut savoir la placer. Mais si on se trompe des dates, on ne peut pas se tromper des siècles quand même, n'exagérons pas. Et qu'est-ce que ça veut dire, à un certain moment, de débuter la philosophie en terminale avec des élèves qui ne savent pas écrire ni lire? Qui vont à l'université avec des difficultés. Et qu'est-ce qu'on leur enseigne? La philosophie. Allons-y, avec des problèmes qui nous dépassent. La philosophie. Je vais bien. Mais c'est trop tard. Et après, vous êtes confrontés, voilà, à l'école qui devait vous aider à ouvrir l'esprit. N'importe qui n'a pas été à l'école et qui a commencé, dès un tendre âge, à faire ce qui est condamné par la loi à travailler, celui-là, il s'en sortira mieux que vous. Sans instruction. En terminale, mais c'est arrivé de rencontrer des gens. Il y en avait un qui, je regrettais qu'il ne venait pas en classe, le pauvre, parce que j'y tenais. Il ne venait pas. C'était en banlieue. Il ne venait pas. C'était à Saint-Denis. Et quand je lui ai dit, le dernier jour, il venait, je m'a dit, professeur, moi, je suis en train de travailler quand je ne viens pas. J'apprends le métier des plombiers. Et bien, tu fais bien, tu fais très bien, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'être manuel. Voilà. Et donc, dans ces désastres, essayons de repenser. C'est le point de vue qui compte. Si le point de vue, si nous arrivons à faire changer le point de vue à ces pseudo-chefs, parce qu'ils sont chefs, je ne dis pas des vulgarités, mais insomma, de l'air d'eux, s'ils ont, parce qu'ils conduisent. Il gère la catastrophe, il gère l'économie, il ne veut pas donner des vraies solutions. Il veut surtout passer par un concept économique erroné, complètement à côté de la plaque. L'économie et l'écologie sont la même chose. Elles font à sable non seulement par la résine, éco. La différence c'est économie, écologie. Hein? Une différence très importante, mais la substance est la même. Toujours dans la philosophie, n'importe quel mot, n'importe quel programme, la substance est la même. Est unitaire. L'homme est unitaire, la société est unitaire. Hein? Donc, revenons au fondement. On dit aujourd'hui aux fondamentaux, comme on dit toujours avec un adjectif à l'essentiel, hein, plutôt que l'essence, plutôt que les fondements. Parlons, essayons de soigner les langages. Jetez un coup d'œil, s'il vous plaît, si vous avez l'occasion, à l'encyclopédie. Je dois arrêter, je crois. Hein. Là, je dépasse mon temps de discours. Hein? Oui, d'accord. Merci de me le signaler. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je suis à votre disposition. Je vous donnerai mes coordonnées. Mais bien sûr, je suis très occupé. Voilà. Merci de votre écoute. Merci de vos oreilles. Et attention quand vous donnez la parole. Parce que donner la parole, ça veut dire faire un don. Et un don, ça ne se prend pas. Bon, là, je respecte le règlement. Je vous l'aurai. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? J'avais dit ça là, tout à l'heure là. Il faudrait avoir enregistré parce que je prononce mal. Là, non. Oui, alors les questions, s'il vous plaît. Non. Ah, j'entends des questions. Ah, je suis là à votre disposition, s'il vous plaît. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je répondrai à toutes vos questions, s'il vous plaît. N'ayez pas crainte. N'ayez pas crainte. Pas de questions. Simple, simple. Est-ce qu'il faut? Il faut enseigner la littérature. Il faut tout enseigner. Et soutenir les enseignants. Comment? Et soutenir les enseignants. Soutenir les enseignants? Oui, ils en ont besoin, très très besoin. Il faut les aider. Il faut les aider, mais il faut aussi qu'ils se remettent en question. Hein? Aucune marge de manœuvre, je suis désolée parce que moi je suis enseignante. On a maintenant des programmes, on a les parents qui nous attendent à la sortie. Je vous comprends parfaitement. Et nous sommes quelques-uns, et même enfin, la majorité a essayé de faire résistance contre la réforme, puisqu'on s'aperçoit que les enseignements dits fondamentaux, ceux de la République, ceux de la liberté, les outils qui permettent de comprendre un discours, de l'analyser, oui, de le critiquer et de s'exprimer. Malheureusement, je suis désolée, malheureusement, nous sommes soumis à des programmes, à des chefs d'établissement, à des rectorats, au gouvernement qui nous interdisent absolument d'enseigner l'humanisme tout simplement, celui de Rabelais du 16e, de l'humanisme. Et on ne peut plus enseigner à l'heure actuelle. Donc les enseignants se remettent en cause, on ne se remet pas en cause. La majorité, vous savez, elle souffre sur le terrain. Mais est-ce qu'il y a des gens ici qui soutiennent les enseignants, qui se rendent compte que malheureusement, on essaye d'agir, mais que le gouvernement refuse, les citoyens ne nous aident absolument pas, nous sommes toujours les fumistes. Et malheureusement, ben voilà, il n'y a pas droit à la parole. Oui. Et c'est ce que nous risquons là. Nous allons vers un appauvrissement de la pensée, oui, véritable. À vous. Est-ce que je peux compléter, là, puisque j'ai la réponse toute faite? Excusez-moi si j'attaque encore nos camarades. Vous ne pouvez pas, madame, ce que vous dites est fondamental. Vous ne pouvez pas enseigner dans la situation actuelle. Je me suis trouvé confronté à des cas. Un, quand dans les conseils des classes, ou dans les, tout simplement dans la salle des professeurs, j'ai parlé de la joie que j'avais enseignée aux élèves de n'importe quel degré, de n'importe quelle intelligence, de n'importe quelle situation, il me disait, tu perds ton temps, tu ne feras jamais boire un âne qui n'a pas soif. Et j'étais obligé de me taire. Après, mais c'était trop tard, j'ai dit, effectivement, il a raison, surtout quand on considère l'eau qu'on leur fait boire, l'eau qui n'est plus potable, ça, c'est même bien qu'il refuse. Et autrefois, dans une grève, j'ai participé à toutes les grèves, mais je les fais toujours en classe, jamais à l'extérieur. Dans un problème des moyens, une assemblée des lycées à Saint-Denis, à Paul Bert, dans l'assemblée, ils réclamaient des moyens, ils réclamaient absolument plus de moyens, les syndicats et les professeurs. Et je me suis permis de dire, mais les moyens, les premiers que nous avons besoin, c'est la liberté d'enseigner. Moi, j'enseigne même dans le désert, et si je n'ai pas de crayon, j'ai un doigt pour tracer dans les sables. Les moyens, vous les donnerez autant que vous voulez, puisque ça fait tourner la boutique. Et c'est par les moyens que vous... Et la manipulation qu'on fait de vous. Alors, il y a quelqu'un qui s'est levé et m'a dit, eh oui, il n'y a qu'un Italien qui peut dire ça. Et j'ai mal interprété son compliment, qui n'était pas un. J'essayais de lui parler à la fin de l'assemblée. Il m'a ignoré et il est parti ailleurs. Quand je dis se remettre en question, moi le premier, je dois me remettre en question. Chacun de nous. Mais les enseignants, s'ils se remettent en question, ils pourront trouver la voie. Et là, ici, c'est l'occasion de ne pas perdre. Évitez les manipulations. La manipulation, c'est un phénomène humain, normal. Mais si on l'utilise avec un sens critique, on en fera du bien. Et autrement, on en fera un instrument de vente. On fera un instrument très productif. Et quand on voit qu'est-ce qu'ils sont été capables, les syndicats dans l'école, je parle en dehors de l'école, je ne les ai pas vraiment connus, bien que je n'ai enseigné dans ma vie qu'ils ne vont pas. Le reste, je l'ai passé en entreprise. Voilà. Merci encore. Je ne voudrais pas vous voler votre temps. Est-ce qu'il y a le suivant là où on l'attend? L'intervenant. J'ai encore du temps. Et alors, puisque j'ai la joie d'avoir du temps, et comme je disais, excuse-moi, comment tu t'appelles? Excuse-moi d'interrompre ta conversation. Bertrand. Voilà, comme je disais tout à l'heure à Bertrand, je me souviens plus ce que je disais d'ailleurs. Bon. Qu'est-ce que je disais, Bertrand? Plein de choses. Bon. Alors, revenons à l'enseignement. Si à l'enseignement, on valoriser, mais pas seulement dans l'enseignement, j'ai dit tout à l'heure, là je vais développer l'erreur. L'erreur est fondamentale. On dit que l'homme est libre. Souvent je m'interroge. C'est pas court, c'est plus court comme formule. Comme c'est court la formule liberté, égalité, fraternité. C'est trop short, on dirait, en langage moderne. Il faut préciser, l'erreur est fondamentale. La liberté n'existe pas dans la nature. N'existe pas, on vous raconte des histoires. Changez de point de vue. La liberté ne peut pas exister en société. Ma liberté est conditionnelle. Ma liberté est limitée. Et c'est vous qui me la limitez. Voilà la liberté des temps. Je n'ai pas le temps de dire ce que j'ai envie de dire et je ne peux pas dire n'importe quoi. Vous venez ici et vous êtes libre, vous savez, vous pouvez intervenir, vous pouvez dire tout, presque n'importe quoi, mais presque, et c'est presque la différence. Et j'ai rencontré ici des gens qui, à mon avis, faisaient de n'importe quoi, et c'était pas méchant, franchement, des gens, pas méchants. Et je vous fais un exemple. Tiens, il n'était pas là, où est-ce qu'il est, les chanteurs? Les chanteurs sont partis, les musiciens, il est parti. Voilà. Il y a une question ? Une remarque, en ce moment on a une gauche de droite avec une droite de droite et puis qui nous fait passer des couleuvres avec des lois pour profiter de la droite. Voilà, et puis il y a surtout la finance internationale qui nous met en esclavage de plus en plus avec pour faire de la dette pour nous enlever les acquis sociaux qui ont été pris par des luttes, et on n'est jamais libre parce qu'en fait si on remonte avant les Romains, à l'origine, il y a des dieux qui nous ont mis en esclavage. Hein, ça remonte. Alors, quand on dit l'Éden, à l'est d'Éden, eh ben, il y avait des dieux qui ont ensemencé des femmes humaines. Mais ça, l'esclavage vient de là, quoi, de la société. Et puis après, il y a la religion. Il y a la religion qui veut dire moutonner, c'est-à-dire garder les moutons. Alors ça, c'est... Non. C'est garder les moutons. À l'origine des Sumériens. À l'origine des Sumériens, à l'Éden, à l'est d'Éden, il y avait des cages où il y avait des enfants, des hommes mi-animaux, mi-humains, qui ont été mis en esclavage. Et tout découle de là. Il y a une mythologie, mais c'est ça. Et la finance, c'est-à-dire la finance, c'est de mettre les gens en esclavage et de faire les peuples de ce qu'on veut pour une poignée qui après jouit de la terre. En fait, la terre c'est un vaste casino où il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, et sur le dos des populations et des nations. Voilà. Non, je voulais juste réhabiliter quelque chose. Le terme de religion, ça vient du latin religio, qui veut dire faire un lien. Et comme... Mais attendez, on ne parle pas de sumérien, on parle du terme de religion. Je ne vois pas ce qu'a à faire la religion dans ce débat précis. Voilà. Oui. Non, mais il y a des moutons même dans l'agrégation. Et dans la connerie même également. Voilà. Bon. Alors, je reprends le débat. J'espère que ce soit un débat. Tu te plains, je te le dis tel que. Que la droite et la gauche se rassemblent. Eh bien, moi, je reviens au concret. Au concret. As-tu essayé de laver le visage avec une seule main ? Réponds. As-tu essayé de laver le visage avec une seule main ? Le vrai socialiste, c'est Jean Jaurès. Il s'est battu pour ça. Je m'en fous. Le reste, c'est zéro. Je demande à personne. Quand il y a eu la scission des socialistes, ça veut dire que les socialistes voulaient être francs-maçons et non pas les communistes. Non, mais là, je ne descends pas dans les détails. Je reste dans le concret. Je reste dans le concret. Essaye de te laver le visage avec une seule main. La droite et la gauche se lavent entre elles. Et les deux servent à se laver le visage. Mais si on fait un mauvais usage de l'un et de l'autre et qu'ils se mettent d'accord pour garder les pouvoirs qu'ils soient de droite, de gauche, de droite ou d'extrême gauche, c'est quelque chose de nécessaire. Mais l'usage qu'on en fait, ce ne sont pas les mots qui font les hommes. Ce sont les hommes qui font les mots. Ce sont les hommes qui font la politique. Ce ne sont pas les théories. N'importe quelle théorie est bonne si on sait attirer avantage. L'arbre n'est pas mauvais parce que les fruits sont du poisson. Et l'usage qu'on en fait, on peut traduire un poisson en médicament bon pour la santé. Soyons concrets, soyons à terre. Restons avec les pieds sur terre. J'ai eu la chance d'avoir un enseignant au niveau bac qui, les pauvres, souffraient puisque son père, pour les faire étudier, avait vendu ses vignes. Et dans la classe, il criait « rendez-moi mes vignes » parce que nous, on était des enfants terribles, des étudiants, des élèves terribles. Mais il disait « allez sur la lune, bêtement marcher et avec la tête sous terre. Essayez de marcher droit. Et c'est pas la peine d'aller sur la lune pour marcher droit, même vous n'y arrivez pas. » Voilà. Bon, soyons concrets. Tout est concret. Et j'irai plus loin, mais là c'est trop tôt. Hein, je ne vais pas vous scandaliser. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Non, ici on fait comme ça. Non. Moi j'ai créé comme ça pour dire moyen. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vais vous laisser faire. Finir en 5 minutes. D'accord. Alors je reviens sur l'erreur, les principes de l'erreur, les principes de la liberté. Il n'y a pas de liberté sans erreur et il n'y a pas de société sans erreur parce qu'il n'y a pas de nature sans erreur, parce qu'il n'y a pas de science sans erreur. L'erreur, le problème de l'erreur est l'essence qu'on lui a donnée particulièrement en français où l'erreur devient une faute. Attention, une faute. En tant que faute, il faut la punir. Hein? Et on reste, on revient à l'école de la punition. Autrement, c'est l'école du ludique. C'est l'école de toute façon du déséquilibre au lieu de l'équilibre. Bon, alors pourquoi l'erreur est fondamentale? Dans mes classes, là je l'avoue, j'ai été enseignant, mais jamais professeur. Jamais, ni par les titres, ni par l'expérience. J'ai grondé l'élève qui commet son erreur. Il dit, détruis ton travail. C'est pas l'erreur che ti va a prendre. C'est pas l'erreur che ti avanza. C'est pas l'erreur qu'on se perfectionne. C'est pas l'erreur qu'on critique la politique, qu'on fait des erreurs, etc. Allora, soyons très accrochés à ces principes. Comme soyons très accrochés au principe du libre arbitre. Le libre arbitre, qui en parle? Qui en parle plus du libre arbitre? Mais le libre arbitre, c'est pas le choix de n'importe quoi. Parce qu'il y a la morale. Quelle morale? En classe, mais c'est arrivé un jour de grève. En quatrième. À Saint-Ouen cette fois-ci. J'ai en profité pour être en classe et être hors programme. Et dire aux élèves, écoutez, faites attention, etc. Et il y a un élève. Un des plus intelligents d'ailleurs m'a dit, mais monsieur, vous nous faites la morale. C'est interdit. Il m'a bouché la bouche. Il m'a bouché la bouche. Voilà. Mais il y avait une autre gamine. Lui, il était, je crois, de la... pas Croatie. L'autre, la Herzégovine, disons. C'est-à-dire musulman. Et elle était orthodoxe. La classe, il y avait 10 élèves, 10 nationalisés. Elle m'a demandé, monsieur, s'il vous plaît, dites-nous qui est, cos'è la morale. Et je suis resté cloué. Je ne savais pas quoi répondre. Qu'est-ce que vous répondre à une gamine de 12, 13 ans? Qu'est-ce que c'est la morale? Quand on lui a dit que la morale, il faut la mettre dehors par principe de laïcité. Laïcité bête. Allez lire Proudhon pour comprendre. Ne restez pas sur ce qu'on vous raconte. Et alors, j'avais le devoir de ne pas laisser sa réponse. Et la première chose qui m'est venue en tête, c'est comme les champignons. Je dis n'importe quoi, comme les champignons. Voilà ce que c'est la morale. Mangez les champignons, vous survivez, eh bien, ils sont bons. Mangez les champignons, vous mourrez, vous ne les aurez même pas. Et ça, c'est la morale. Ça, c'est la différence. Si vous sortez de la morale, eh bien, vous payerez. Vous payerez cher. Et c'est bien que ce soit ça. C'est bien que ce soit comme ça, parce que c'est en payant l'erreur qu'on répare l'erreur. Et c'est ça la justice, et c'est ça la société, et c'est ça le respect, et c'est ça la convenance. Ecco. Ne prenez jamais des positions, des postures unilatérales. Les bornages, c'est les pires actions qu'on peut faire. La manipulation, c'est les fruits, c'est les mécanismes. J'ai lu un livre horrible. C'est ma fille qui me l'a donné. J'ai eu du mal à le lire. tellement il était insulte. Vraiment. Et c'est un livre écrit par des personnes du Centre national de la recherche scientifique sur la réaction de l'être humain à certaines actions. C'était que de la manipulation. Et à la fin, il s'excusait. Il y en a qui nous critiquent parce que là, nous disons des choses qui peuvent faire peur. Mais nous devons dire la vérité. Voilà. Nous l'avons découverte et nous l'autorisons. Mais depuis quand cette imprudence? Depuis quand on peut faire n'importe quoi de sa liberté? Je ne suis pas Charlie et j'ai le courage de le dire ici. Je ne suis pas Charlie. Je ne suis pas pour la masse aveugle. Hein? Allez dans la cour. Trouvez dans la cour qu'est-ce qu'on dit aux autres. Voilà, d'accord, ok. Là, j'ai exagéré. Excusez-moi. Non, non. Merci. Bon.